Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Journaliste et écrivain, Philippe Vasset avait exploré en 2007, dans son roman « Un livre blanc », les zones de la région parisienne que laissaient blanches les cartes IGN, comme les champs de tir désaffectés, les chantiers de construction laissés en plan, les terrains vagues de toute nature. 6 ans plus tard, dans « La Conjuration », de ces espaces vacants, inemployés, il racontait la reconquête par l'entrepreneuriat immobilier, les centres commerciaux, par les églises évangélistes et autres temples bouddhistes. Pour Philippe Vasset, la production de fiction est avant tout un moyen d'habiter des lieux. On marche beaucoup dans La Conjuration, 7e roman de l'auteur. On se glisse dans les interstices, les zones grises, on navigue aux limites d'un entre-deux suburbain, et cette exploration, tout autant géographique que littéraire, devient une sorte de quête spirituelle, un voyage à la rencontre de soi. Nous l'écoutons présenter La Conjuration et en lire quelques extraits au micro d'Augustin Trapenard et Sandrine Trainer le 2 août 2013 sur France Culture. Les familles heureuses se ressemblent toutes. J'avais 20 ans. Les familles malheureuses. C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire. Ça a débuté comme ça. Chen tenterait-il de lever la moustiquaire? Longtemps, frapperait-il au travers? Ou peut-être hier, je ne sais pas. C'était à Mégara. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice. Dans les jardins d'Amilcar. Il la trouva franchement laide. Sandrine Trainer, Augustin Trapenard, Les Bonnes Feuilles. Pour un retour au pays, ça manquait de drame. Après 3 ans d'exil, c'est à bord d'une petite vedette ballottant sur les eaux du canal Saint-Denis que je revenais à Aubervilliers. À la fin des années 2000, les magasins généraux de cette banlieue avaient constitué pour moi une sorte de principauté. Délaissées, les hautes structures de métal rouillé et de béton vieilli s'élevaient au milieu d'une aire livrée à la seule société des papillons. 2 pièces d'eau en défendaient l'accès. Le canal Saint-Denis, à l'est, et un vaste bassin, dit des entrepôts, au sud. À l'intérieur, on était comme sur un de ces bancs de sable que la sécheresse fait apparaître, l'été, au milieu des grands fleuves. Hypnotisé par le ressac de la circulation sur le périphérique, tout proche, on laissait la ville devenir pur spectacle, échange de masses et de couleurs, débarrassé de signification. J'ai vécu de longs mois dans l'illusion un peu naïve que j'étais le seul à connaître ce site, découvert comme tant d'autres, en explorant les zones laissées blanches sur la carte de l'Île-de-France, numéro 2314 OT, édité par l'Institut Géographique National. La plupart de ces terrains étant à l'abandon, je m'en étais octroyé la jouissance et les considérais comme des domaines personnels, des sortes de parcs privés où je pouvais me rendre en villégiature et convier mes amis. Outre les magasins d'Aubervilliers, j'avais également annexé, me servant de ma carte IGN comme d'un plateau de Monopoly, une petite forêt coincée entre l'A86 et le cimetière de Chevilly-Larue, et un immense périmètre à Villeneuve-la-Garenne, autour de la station de réception du gazoduc Le Havre-Paris. Je n'avais aucune prétention territoriale ou politique en prenant le contrôle de ces parcelles. J'ai toujours préféré les princes d'opérette aux dirigeants dûment élus, et les républiques imaginaires aux États immuables. Il n'entrait pas dans mes intentions de fonder une zone autonome de Paris ou quoi que ce soit de ce genre. Pourquoi faire, de toute façon? Les seules réformes que j'aurais éventuellement souhaité introduire en ces lieux, à savoir la dépénalisation de la prostitution et celle de toutes les drogues, y étaient en vigueur bien longtemps avant que je ne me manifeste. C'était une collection de terriers enchantés où, périodiquement, je me faisais lapin d'Alice. Au fil des années, certains de ces endroits se sont transformés en véritables déserts de Retz, parsemés d'attractions éphémères et baroques. J'y découvrais des tours d'aiguillage aux issues murées, mais dont les verrières, certaines nuits, s'illuminaient de brusques et mystérieux incendies. D'anciennes cabanes, transformées en scènes d'exhibition, où des couples s'étreignaient sous les regards de voyeurs anonymes, postés derrière les parois de planches trouées. Des grottes de pierre où des rongeurs invisibles faisaient craquer la brindille des seringues usagées. Des transformateurs minutieusement dépouillés de la moindre pièce métallique et dont la silhouette régulière prenait, au crépuscule, des airs de temple antique. Des excroissances végétales poussant hors d'atteinte, sur des murs ou des corniches, et auxquelles mon imagination attribuait des pouvoirs alternativement hallucinogènes, médicinaux ou au contraire toxiques. Et des terrasses de béton graffité, où titubaient à l'aube des noctambules attendant que le soleil se lève. Vivant sur chacun de ces lieux des vies parallèles et rêvées, je ne supportais pas que l'on comble les places vides qu'ils forment sur le blanc des cartes. Mais le mouvement de l'expansion urbaine allait dans un sens strictement opposé à mon désir, et sous l'inflation des projets immobiliers, mes repères disparaissaient les uns après les autres. Ainsi, fin 2007, la majestueuse carcasse des moulins de Pantin, le long du canal de l'Ourcq, s'est mise à résonner sous les coups des pelleteuses. Ayant racheté le site pour y installer son siège, BNP Real Estate, filiale de la banque éponyme, faisait place nette. Au milieu des gravats, il n'est bientôt resté que la grande tour carrée aux airs de clocher et les deux magnifiques silos aux toits en croupe, reliés entre eux à plus de 30 mètres de hauteur par une passerelle portant l'inscription « Grand Moulin de Pantin ». J'avais toujours rêvé d'y grimper. Maintenant, c'était cuit. Bonjour Philippe Vasset. Bonjour. Et bonjour Sandrine Trenard. Bonjour Augustin. Philippe Vasset, vous venez de nous lire les premières pages de La Conjuration, votre 7e roman, je crois, qui paraîtra bientôt, à la rentrée d'automne, aux éditions Fayard. Et on déambule dans ces premières pages. On se demande si c'est la première chose que vous avez composée. Le point de départ, en fait, de ce roman, qui déambule précisément. Oui, très clairement. C'est ce que dit la première phrase. En fait, je reviens sur des lieux qui me sont familiers, dans lesquels j'ai vécu une vie parallèle et rêvée. Et je découvre, je les vois peu à peu disparaître sous les projets immobiliers, sous cette espèce d'inflation d'aménagement qu'est aujourd'hui la ville contemporaine. Mais cette première phrase où le narrateur, est-ce vous, prend la parole à la première personne du singulier, elle représente quoi pour vous, l'intention du roman en tant que tel, nous projeter dans un espace, dans un temps? Je ne sais pas si j'y mets une intention, c'est plus quelque chose de dynamique. L'intégralité du roman va surgir de l'impulsion donnée par cette première phrase, c'est-à-dire c'est vraiment un retour sur des endroits que je connais bien, mais que j'ai beaucoup fantasmé aussi, et de voir ces fantasmes se détruire comme des constructions de sucre, et de la totalité du roman est d'essayer d'imaginer une autre vie dans cette ville aménagée jusqu'à la nausée. Et pourtant, elle est drôlement ironique, cette première phrase, pour un retour au pays, ça manquait de drame. Ça veut dire qu'il faut un drame, qu'il faut un accident, normalement, pour commencer un roman. C'est aussi je pense que c'est plus une distance. Je me rends compte que même si l'enjeu pour moi est immense, ça peut paraître un peu ridicule de mettre une telle charge émotionnelle dans des lieux qui finalement sont pas si spectaculaires que ça. Mais pour moi, ils le sont. Et ils le sont pas seulement par ce qu'ils sont, mais aussi par la charge de fantasmes dont ils sont gros. Et quand vous trouvez cette première phrase, vous savez à ce moment-là, quand elle vient en vous, que vous êtes entré en écriture? Ça a pris plus de temps que ça. J'ai eu la première phrase, et le livre a mis très longtemps à se construire. C'est un livre que j'ai eu beaucoup de mal à écrire, aussi parce que, je pense que d'ailleurs que ça s'entend un petit peu quand j'en parle, ce que je cherchais et vers quoi j'allais n'était pas forcément évident pour moi. Je voyais tous les jours ces endroits qui sont pas seulement pour moi des endroits géographiques, mais qui sont des endroits mentaux, en fait, disparaître. Et je me sentais en fait projeté en avant. C'est un peu ce qu'essaye de dire la première phrase. Je me sentais projeté en avant par cette disparition, un petit peu comme un personnage de dessin animé qui s'avance et le décor se détruit. Mais cette obsession pour les interstices de la ville, vous les aviez déjà mis en scène, au moins dans un livre blanc. Donc vous revenez au fond sur les lieux d'un crime. Je reviens sur les lieux d'un crime, il n'y a plus rien. Un livre blanc racontait la découverte de tous ces endroits-là, mais en fait, ce sont des, même si tout ça est inscrit dans le bâti et dans le cadastre, en l'occurrence, c'est des lieux extrêmement transitoires. Et il y a une espèce de botanique du bâti qui fait que les aires laissées à l'abandon disparaissent, sont remplacées assez rapidement. Donc en fait, je reviens à ces endroits-là, je découvre que ces lieux que j'ai tant fantasmés ont disparu, et le roman commence comme ça, en fait. Et je ne révèle pas grand-chose à Philippe Vasset en disant que votre narrateur, il est écrivain, quelque part entre le flâneur, l'urbaniste et le lapin d'Alice, c'est ce que vous dites. Et c'est tout un programme d'écriture quand même, parce qu'on voit bien, dès ses premières pages, que le texte est contaminé par l'imagination et qu'il s'agit avant tout de création. Oui, c'est pas du tout c'est pas un documentaire. Ou si c'est un documentaire, c'est un documentaire dans ma tête, et pas un documentaire sur le plan de la ville. J'ai tendance, mais je pense comme beaucoup de gens, à considérer la ville comme l'extension de mon cerveau. Je fais pas tellement de différence. Je suis pas sûr que ce soit si habituel que ça. C'est vrai. J'ai du mal à considérer, à penser comment on peut faire autrement, puisqu'on est tout le temps dans la ville. Donc, au bout d'un moment, cette fabrique finit par se mêler à nos corps et à nos cerveaux, je trouve. On rêve, enfin, les scènes de rêve, en règle générale, se passent toujours dans les villes qu'on habite. Mais je m'égare. Pas du tout. Mais pour prolonger ce qu'interrogeait Augustin, c'est étonnant de voir comment vous mettez en relation, au fond, le fait que ces zones blanches se soient remplies et qu'au fond, ça ne laisse plus de place non plus aux romanciers, puisque vous décrivez une véritable difficulté à vous réemparer de ce sujet. Oui, c'est vrai, parce que, en fait, pour moi, le roman et le texte jaillit à partir du moment où je vois une faille dans mon environnement familier et sur lequel va se polariser mon fantasme. Il y a, je vais voir. Je sais pas, soit un lieu particulier, soit une adresse particulière, et l'imaginaire commence à maturer à partir de ça. Et c'est vrai que l'impossibilité de fantasmer, qui est, je trouve, la direction dans laquelle va la ville, enfin, nos villes ressemblent de plus en plus à l'image qu'en présentent les GPS et nos téléphones portables, c'est-à-dire des aires, enfin, des successions de carrés pastels, qui sont uniquement des pièces d'un jeu de puzzle ou d'un itinéraire. Et je trouve en effet que c'est, enfin moi, ça c'est vecteur d'aucun fantasme en fait. Est-ce que vous voulez bien continuer la lecture ? Absolument. Je crois que vous avez choisi un extrait qui est bien plus loin, c'est autour de la page 140. Voilà. On vous écoute. Au cours des heures qui suivirent, je circulais dans les étages déserts, me postant devant chaque fenêtre, ouvrant chaque porte et pressant chaque interrupteur. Je feignais parfois de vider les poubelles et de passer un coup de chiffon sur les vitres, puis, ne rencontrant personne, je cessais de jouer la comédie et ralentis le pas, prenant le temps d'examiner la décoration personnalisée des bureaux, de lire les avis sur les panneaux d'affichage et de goûter les victuailles laissées dans les réfrigérateurs, ignorant les prénoms qui figuraient en lettres épaisses sur les emballages et m'amusant à imaginer les conséquences de ma gourmandise nocturne, les billets rageurs et les emails pincés rappelant à tous que la cafétéria n'est pas un self-service et que le respect de la propriété de chacun constitue la base de la vie en communauté. Je me composais tant bien que mal, dans le miroir des toilettes, une tête d'employé restée au bureau pour terminer un travail urgent. Vêtu de ce masque, que j'imaginais vraisemblable mais qui n'aurait sans doute pas résisté à un examen approfondi, je continuais ma promenade dans les espaces normés du travail rémunéré. Examinant les reliquats de leurs activités, je cherchais à deviner les habitudes des salariés, leur âge et la forme de leur corps, faisant se lever sur mon passage tout un peuple de fantômes, esquissant des visages et suivant, comme on piste un fleuve tari à partir des traits qu'ils tirent sur les pierres, des trajets dans les couloirs désertés. L'espace se mit bientôt à bruire de présence et porté par cette marée ectoplasmique, je montais jusqu'aux derniers étages, ceux de la direction. Grâce aux notions de crochetage que m'avait inculqué Jeanne, j'ouvris un à un les bureaux, me demandant à chaque fois ce qu'il pouvait bien y avoir à protéger dans ces pièces rigoureusement identiques les unes aux autres, meublées des mêmes imposants bureaux noirs et surmontées des mêmes photos de famille détendues et bronzées, femmes, enfants et maris, souriant à l'objectif depuis le pont d'un bateau, le balcon d'une résidence ou le parvis d'une église. Lieu intermédiaire entre le public et l'intime, les bureaux vides étaient l'équivalent urbain de l'estran, cette étendue de sable découverte par la mer quand elle est basse. Les reflux d'activité les laissaient périodiquement ouverts et jonchés de débris. Y traîner procurait des sensations similaires à celles que j'éprouvais en arpentant les marches de Paris. C'était la même érotique de l'effraction, le même frisson à glisser par l'entrebâillement des surfaces, sa main contre la peau de la ville, et la même synchronisation des souffles, climatiseur et respiration mêlée. Un extrait de La Conjuration, Philippe Vasset, ce nouveau roman qui, je le rappelle, paraît bientôt à la rentrée d'automne aux éditions Fayard. Un extrait que vous avez choisi. Et on se demande tout de suite pourquoi cet extrait-là, pourquoi cette page du roman précisément, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Ben parce qu'elle fait écho à l'Incipit, en fait, où il y a un espèce de déplacement des zones fantasmées dans la ville, de l'extérieur des bâtiments aux lieux sans emploi, à l'intérieur des bâtiments, à l'intérieur des bureaux vides, à l'intérieur du travail salarié, considéré comme, par le narrateur comme une sorte de jardin où il se promène indéfiniment. Ça m'évoque une phrase, une expression que j'ai trouvée ailleurs dans le livre, où le narrateur dit « marcher à l'intérieur de soi ». Écrire, c'est marcher à l'intérieur de soi. Pour moi, oui, c'est la définition d'écrire. D'ailleurs, le processus d'écriture est très, très, très, très lié à la marche. On marche d'abord pour sortir de soi, pour s'épuiser, pour découvrir des choses, pour se frotter à des choses. Et puis ensuite, on écrit pour prolonger, en fait, ce qu'on a pu attraper au cours de cette marche. Donc il y a une espèce de, comme des organes rétractiles d'un insecte. Oui, parce qu'un texte est indissociable, évidemment, du moment où il est produit. Et ce n'est pas innocent, Philippe Vasset, de revenir, ou même de prolonger le projet d'un livre blanc aujourd'hui. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Ben, à cause de la première phrase, en fait. La première phrase dit vraiment, un jour, j'ai passionnément aimé les endroits qui sont décrits dans un livre blanc, j'y ai vécu beaucoup de choses, j'y ai passé beaucoup de temps, et puis j'ai un peu naïvement considéré que ces lieux allaient perdurer pour toujours, en fait, parce que d'abord je les avais découverts moi et que j'y croisais pas grand monde, et puis que c'était des lieux que j'avais tellement investis qu'ils restaient en moi, en fait. Et un jour, je suis allé à Aubervilliers et il y avait un centre commercial. De quelle conjuration avez-vous envie aujourd'hui? Pour reprendre bien sûr le titre de votre livre. J'aurais envie d'une conjuration dont le programme serait d'abolir la frontière entre public et privé dans la ville. La distinction entre public et privé qui a longtemps nourri le fantasme en fait dans la ville du 19e, les endroits privés sont des sources de fantasmes incroyables. Aujourd'hui, le privé est beaucoup plus à contaminer l'essentiel de la ville. Je reviens à ces grilles de GPS sur lesquelles il y a que des pastels de couleurs, rien n'est écrit à part les itinéraires. Et je rêve de ça en fait, d'une conjuration qui passe cette frontière-là. Par le prisme de l'écriture, vous parvenez à réenchanter la ville, justement? Ça, c'est certainement pas à moi de le dire. Mais en tous les cas, pour moi, oui. Alors, c'est pas n'importe quel espace urbain, il faut quand même le dire. C'est beaucoup la ville de Paris, qui est au cœur de ce roman, qui est au cœur du projet, et qui apparaît au tout début du livre, avant même le début du livre, puisque l'épigraphe que vous avez choisi pour la première partie est tirée d'un livre de Paul-Ernest Doratier qui s'intitule « Paris n'existe pas ». C'est déjà tout le livre qui se profile dans ce titre. Absolument. C'est un épigraphe assez merveilleux parce que j'ai découvert ce livre à la toute fin de l'écriture. En fait, avant, j'avais un autre épigraphe. Et ça s'est totalement imposé, en fait. Alors, le choix de Paris, c'est aussi parce que j'y habite, tout simplement. Et qu'un livre comme celui-là, un livre sur quelqu'un qui écrit et qui mêle la ville qui l'entoure et son propre cerveau, ne peut réalistiquement s'écrire que sur la ville dans laquelle on habite. C'est pas possible de l'écrire sur une autre ville. Mais si j'habitais à Marseille, je l'aurais écrit sur Marseille. C'est pas Paris dans l'absolu, c'est Paris parce que j'y habite. Mais c'est une question que je me suis posée à la lecture. Je me suis demandé si c'était un roman français ou si au fond c'était un roman français par accident et ça pourrait être un roman du monde. Mon intention et mon désir est plus de ce côté-là, du côté du roman du monde que du côté... c'est un roman dans lequel il y a très peu d'histoire de Paris, par exemple. C'est pas du tout un livre sur l'histoire de Paris. Au contraire, moi, l'histoire de Paris, ça m'asphyxie et ça m'intéresse pas beaucoup, en fait. J'ai l'impression que les gens qui se passionnent pour l'histoire de Paris, ça plastifie encore plus les bâtiments qui déjà ressemblent quand même beaucoup à des musées. Mais sur l'universalité de la démarche, j'ai passé pas mal de temps avec un écrivain anglais qui s'appelle Ian Sinclair et qui a écrit un livre absolument merveilleux qui s'appelle London Orbital, dont j'ai préfacé la traduction française. Aux éditions Inculte. Aux éditions Inculte, voilà. Et c'est quelqu'un qui a 40 ans de plus que moi. Et qui a arpenté Londres comme j'ai arpenté Paris. Et moi, je connais très mal Londres, lui connaît très très mal Paris. Et pourtant, il y a quelque chose, par exemple, je l'ai emmené dans le 15e parce que je voulais lui montrer le chantier du futur Pentagone français. Dans le 15e arrondissement. Dans le 15e arrondissement, voilà, et qui est un endroit assez magique, parce qu'à cet endroit-là, il y avait un bassin pour tester les bateaux de guerre, et qu'on a détruit, en fait, pour créer ce Pentagone français. Et le Pentagone est à Ballard. Et donc, j'emmène Yann Sinclair à Ballard, et il sort et il regarde la plaque de métro, et il dit « Ah, Ballard !» Parce que c'est le nom de l'écrivain anglais J.J. Ballard. Et donc pour lui, c'était, vous voyez, on était exactement le même type de démarche. Yann Sinclair, comme Will Self, font partie de ces écrivains anglais qui s'inscrivent quand même dans un héritage situationniste. Philippe Vasset, ces écrivains flâneurs, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'écriture de ce texte, de la façon dont ça s'est passé. Quelle expérience physique est-ce que ça a été ? Vous avez précisément déambulé pour écrire ? C'est l'inverse. J'écris parce que je marche. Enfin, j'ai pas la marche utilitaire, en fait. Je marche beaucoup, et des fois, il se passe rien, des fois, il se passe des choses, et l'écriture se construit comme ça, en fait. J'admire et j'envie les écrivains qui peuvent rester des jours à leur table de travail. Pour moi, c'est absolument pas possible. J'écris 2-3 heures parce que j'ai amassé des choses, et parce que des choses se sont construites pendant que je marchais. Mais l'écriture, elle se passe dans ce mouvement-là. Il y a un côté thermodynamique, en fait, d'extension, contraction. Et vous marchez avec un carnet, vous prenez des notes, vous avez toujours un crayon sur vous ? Surtout pas. Si les choses restent, parce qu'en fait, précisément, le moment de l'écriture, c'est après. J'écris pas pendant que je marche. Toutes les notes que je prends pendant que je marche sont moches et idiotes, en règle générale. Il s'accumule des choses, mais on n'est pas encore dans le moment de l'expression. Le moment de l'expression, c'est précisément le moment où je peux pas marcher, et donc où je suis obligé de faire un mouvement. Il y a aucune coïncidence entre l'expression et la marche. La marche, c'est un moment presque de maturation. C'est le moment où les choses naissent sans que je m'en rende forcément compte, d'ailleurs. Vous écrivez tout de suite après ou un petit peu de temps après ? Non, il y a pas forcément il y a pas de règle de continuité. Il y a des passages dans la fin du roman qui correspondent à des marches que j'ai pu faire 2 ans avant. Enfin, il y a vraiment deux plans distincts. Soit il se passe quelque chose pendant que je marche et ça migre dans d'autres régions, soit il se passe rien. Dans quel état psychologique vous met l'écriture ? Vous écrivez calmement, vous êtes anxieux, c'est un plaisir, ça n'en est pas un. Je pense que si ça n'est pas un plaisir, moi je me méfie toujours des gens qui disent que écrire c'est merveilleux et que. Pourquoi ? Parce qu'en règle générale, ça donne des mauvais livres. J'ai pas envie d'écrire, de lire le livre de quelqu'un pour qui ça. À l'inverse, la souffrance est une garantie. Non, c'est pas une garantie, mais au moins c'est plus une certitude qu'il s'est passé quelque chose, que le livre est le témoin de quelque chose, en fait. Je suis pas particulièrement anxieux, je suis inquiet et concentré, on va dire. S'il y avait une musique inquiète ou pas de ce roman, comme un film à une bande originale, Philippe Vasset, qu'est-ce que ce serait ? Ce serait une bande originale. J'écoute tout le temps de la musique quand j'écris, mais j'écoute pas n'importe quelle musique. J'écoute la musique d'une, on va dire, de 4-5 groupes pour lesquels j'ai une dévotion totale et qui datent du milieu des années 80, qui sont presque tous des groupes anglais, qui sont de l'époque post-punk, en fait, et du début de l'électronique. Qui sont des gens qui ont fait en musique ce que j'essaye de faire en littérature, c'est-à-dire mêler des choses très obscures et très inconscientes à des choses très réelles. C'est des musiques souvent mêlant des choses très concrètes, des bruits très concrets, des bruits industriels, des bruits urbains, à des récitatifs, à des sons symphoniques. Et par exemple, vous donneriez un titre, un nom ? Alors, mon groupe préféré s'appelle Throbbing Gristle. C'est considéré comme les inventeurs de la musique industrielle. Enfin, ils sont souvent décrits comme ça, mais ils valent beaucoup mieux que ça. Et il y a un autre groupe qui a été fondé par d'autres gens qui viennent de la même bande, qui s'appelle Coil. Voilà. Que vous voulez nous relire la première phrase de votre roman La Conjuration, Philippe Vasset ? Absolument. Pour un retour au pays, ça manquait de drame. Après 3 ans d'exil, c'est à bord d'une petite vedette ballottant sur les eaux du canal Saint-Denis que je revenais à Aubervilliers. C'était Les Bonnes Feuilles de Philippe Vasset, par Sandrine Trainer, Augustin Trapenard, Clémence Marie, Bruno Martin et Isabelle Nuel.